Chapitre deuxième. Il y a longtemps, longtemps. Puisque le docteur Thorne doit être notre héros, ou plutôt mon héros, car je laisse mes lecteurs entièrement libres du choix, et puisque Mary Thorne doit être notre héroïne, je me vois forcé de les mettre en scène et d'en parler d'une manière toute particulière, après m'être excusé de commencer leur histoire par deux longs chapitres de description et de portraits. La famille du docteur Thorne valait sous certains rapports celle de M. Gresham. Il prétendait même, c'était son faible, qu'elle était beaucoup plus ancienne que celle des deux Courcy. Il était cousin de M. Thorne d'Ullathorne, gentilhomme de Barsetshire, qui demeurait dans le voisinage de Barchester et qui se vantait également de descendre d'une longue suite d'aïeux établis à Ullathorne de temps immémorial. Mais le docteur Thorne n'était qu'un cousin issu de Germain. Et quoiqu'il pût en quelque sorte s'approprier une partie de cette généalogie, il n'avait réellement droit qu'à la position qu'il avait pu se créer. Personne ne le savait mieux que lui. Son père, qui était cousin germain de l'ancien Squire Thorne, avait occupé une position assez élevée dans la cléricature, mais il était mort depuis nombre d'années. Il avait eu deux fils. L'aîné avait choisi la profession de médecin. L'autre, que son père avait espéré placer dans le barreau, n'avait jamais rien voulu faire. Envoyé d'abord à l'université d'Oxford, d'où il s'était fait exclure, il revint à Barchester, où il ne causa que du chagrin à son père et à son frère. Les deux frères étaient encore très jeunes quand le vieux docteur Thorne mourut, laissant à Thomas, son fils aîné, la modique somme de 2000 livres sterling. C'était tout ce qui lui restait, une somme bien plus forte ayant été dépensée pour payer les dettes que le cadet avait contractées. Il avait toujours existé une grande intimité entre la famille d'Ullathorne et celle du vieux dignitaire de l'église. Mais un mois ou deux avant la mort de ce dernier, ceci se passait 22 ans environ avant l'époque où commence notre histoire, M. Thorne d'Ullathorne avait donné à comprendre qu'il ne voulait plus recevoir son cousin Henry. Les pères sont en général plus indulgents pour leurs enfants que ne le sont les oncles pour leurs neveux ou les cousins pour leurs cousins. Le vieux docteur Thorne espérait toujours amener sa brebis égarée, et il trouvait que son cousin, comme chef de la famille, mettait, par sa sévérité, obstacle à ce retour. Si le père soutenait chaudement son mauvais sujet de fils, le jeune médecin ne soutenait pas moins son frère, et lorsqu'il apprit qu'on ne voulait plus voir Henry à Ullathorne, il fit dire au squire qu'il cesserait aussi ses visites, compromettant ainsi son propre avenir, puisque le jeune docteur avait choisi Barchester pour lieu de résidence, dans l'espoir que ses parents de Ullathorne lui seraient utiles. Après la mort de leur père, les deux frères se virent réduits pour vivre aux plus minces ressources. Il y avait à cette époque à Barchester un frère et une sœur du nom de Scatcherd, qui appartenaient à la basse classe. Le frère n'était qu'un tailleur de pierre, et sa sœur qu'une apprentie chez un fabricant de chapeaux de paille. Mais il n'en était pas moins remarquable sous un certain rapport. La sœur était un modèle de beauté robuste, et ce qui vaut mieux encore, elle jouissait d'une excellente réputation comme caractère et comme conduite. Son frère était très fier de cette beauté et de cette réputation. Ce sentiment s'accrut encore lorsqu'il apprit qu'elle avait été demandée en mariage par un honnête marchand de la ville. Roger Scatcherd avait aussi sa réputation personnelle, mais ce n'était ni pour sa beauté ni pour sa bonne conduite. On le citait comme le meilleur tailleur de pierre dans les 4 comtés et comme celui qui pouvait absorber le plus d'alcool. Au premier titre, sa réputation s'étendait plus loin encore, car c'était non seulement un excellent tailleur de pierre, mais il savait encore former d'excellents ouvriers. Étant, quoi qu'il ait trait, doué par la nature d'une parole facile, il avait conquis peu à peu dans sa classe l'influence d'un orateur. Parmi les mauvais penchants de Henry Thorne, il en était un qui justifiait en quelque sorte la sévérité de ses cousins. Il aimait à s'associer avec des gens de la basse classe. Non seulement il buvait, on aurait pu le lui pardonner, mais il buvait dans les cabarets avec des hommes vulgaires. Voilà ce que disaient ses amis et ses ennemis. Il niait cette accusation, du moins en partie, et déclara que son seul compagnon de cabaret était Roger Scatcherd. Se liant de plus en plus avec le tailleur de pierre, il finit par devenir un aussi ardent démocrate que lui. Or, les Thorne d'Eula Thorne étaient aussi Tories qu'il était possible de l'être. Malheureusement, il paraît qu'ami et admirateur déclaré du frère, Henry Thorne était devenu l'admirateur secret de la sœur, et lorsque Roger Scatcherd, flatté, quoique démagogue, de l'alliance d'un riche marchand, se fut empressé de lui accorder la main de Marie, la pauvre fille lui avoua en pleurant qu'elle s'était laissée séduire par une promesse de mariage. Roger, égaré par la boisson autant que par la colère, jeta les hauts cris sur la perfidie de son compagnon de débauche, maudit sa sœur et jura qu'il les tuerait tous les deux. Armé d'un lourd bâton, il se mit à la recherche du séducteur. Les deux frères habitaient alors une ferme tout près de la ville. C'était une demeure peu commode pour le jeune docteur, mais ses moyens l'avaient obligé de s'en contenter, d'autant plus qu'il désirait surveiller autant que possible la conduite de son frère. Ce fut là que Roger, qui avait passé d'abord par le cabaret et y avait attendu Henry Thorne, vint relancer le coupable. Il le rencontra sur le seuil même de la porte, un cigare à la bouche, assez sobre encore pour remarquer la surexcitation de Roger, et ne se doutant pas de ce qui pouvait l'avoir provoqué. « Eh bien, Roger, lui dit-il, qu'y a-t-il de nouveau ?» Ce furent les dernières paroles de Henry Thorne. Un violent coup de bâton fut la seule réponse qu'il reçut. Une lutte s'engagea, et Roger tint sa parole quant au séducteur du moins. On ne sut jamais au juste comment fut porté le coup fatal qui atteignit Henry Thorne à la tempe. Un des médecins appelés l'attribua à un coup de bâton, un autre à un coup de pierre, un troisième à un marteau de tailleur de pierre, celle des trois opinions qui fut le plus vivement soutenue et le plus résolument niée sans pouvoir être prouvée, car Roger affirmait qu'il n'avait pas d'autre arme que son bâton, mais il était ivre. Pouvait-il en être sûr ? Trois choses cependant étaient hors de contradiction. Henry était bien mort. Roger avait une heure auparavant juré de le tuer, et sa menace avait été accomplie. On l'arrêta, il fut jugé, convaincu d'homicide, et grâce aux circonstances atténuantes, condamné seulement à 6 mois d'emprisonnement. Quelques lecteurs trouveront la peine un peu sévère. Thomas Thorne et le fermier arrivèrent sur les lieux peu d'instants après le meurtre. Dans le premier moment, le frère jura de se venger du meurtrier. Mais lorsque les faits furent connus, lorsqu'il apprit quelle était la nature de la provocation, ses sentiments se modifièrent. Ce fut un terrible moment pour lui. Il était à la fois de son devoir de défendre autant que possible la mémoire de son frère, de sauver le malheureux qui avait versé le sang de ce frère, et surtout de protéger la pauvre créature dont l'infortune était moins méritée que celle des deux coupables. Ce n'était pas un homme à passer légèrement sur tout cela. Il paya la défense du prisonnier. Il paya l'avocat chargé de défendre la mémoire de son frère. Il paya enfin pour que la pauvre Mary Scatcherd ne tombât pas dans l'indigence. Il fit tout cela seul et sans le secours de personne. Le vieux M. Thorne, d'Eula Thorne, offrit alors de lui ouvrir sa bourse, mais le jeune docteur avait conçu la fausse idée que la sévérité de son cousin avait été pour beaucoup dans la mauvaise conduite de son frère, et il refusa de rien accepter. Miss Thorne, la fille du vieux squire, une cousine beaucoup plus âgée que lui et à laquelle il avait été très attaché, lui ayant envoyé un billet de banque, il le renvoya aussitôt. Cette affaire fit beaucoup de bruit dans le comté, mais aucun des magistrats ne s'en informa avec plus de soin que John Newbold Gresham, qui vivait encore à cette époque. Il fut surtout frappé de la généreuse justice que Thomas Thorne exerça en cette occasion, et après le procès, il l'invita à Greshamsbury. Cette visite se termina par l'installation du docteur dans le village. Retournons un instant à Mary Scatcherd. Elle n'avait pas à craindre la colère de son frère, puisqu'il avait été arrêté avant de pouvoir assouvir sa vengeance sur elle. Cependant, son sort était bien cruel. Quels que fussent les torts de Henry à son égard, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui avec affection. Elle ne doutait pas qu'il tiendrait une promesse qui, dans quelques mois, allait devenir doublement sacrée lorsqu'elle serait mère. Aussi, lorsqu'elle apprit qu'il n'existait plus, sa douleur ne connut-elle pas de bornes et se prit-elle à désirer que la mort vînt mettre un terme à ses propres souffrances. Dieu mesure le vent à la laine de la pauvre brebis. Mary eut bientôt un second frère dans le docteur qui accourut à son chevet. Les soins et l'affection que le docteur Thorne lui prodigua non seulement lui sauvèrent la vie, mais encore lui conseillèrent l'opinion d'abord sévère pour elle. Lorsque Mary devint mère, 3 mois devaient s'écouler encore avant que la prison s'ouvrît pour Roger Scatcherd. Un soir, à l'heure du crépuscule, le docteur Thorne reçut avec surprise la visite d'un marchand de porcelaine de Barchester qui lui était parfaitement inconnu. C'était l'ancien prétendu de Mary Scatcherd. Il venait faire une proposition. Si Mary voulait consentir à quitter immédiatement le pays sans éclat, sans bruit et sans voir son frère, il vendrait tout ce qu'il possédait. Il l'épouserait et émigrerait avec elle. Il n'y mettait qu'une seule condition, c'est qu'elle laisserait son enfant. En louant cet homme de sa générosité, qui pourrait le blâmer de sa prudence? Il voulait bien recevoir dans son cœur cette femme avilie aux yeux du monde, mais pour lui elle devait être la mère de ses enfants et non la mère de l'enfant d'un autre homme. Le pauvre docteur comprit combien il serait difficile de faire comprendre à l'infortuné qu'elle devait accepter avec reconnaissance cette chance inattendue de fortune et peut-être de bonheur. Comment persuader à une mère d'abandonner son enfant, son premier-né, surtout lorsque cet enfant est né dans des circonstances fatales et que ses premiers moments ont été marqués par des pleurs? Mary refusa d'abord. « Renoncer à ma fille ? » C'était une fille. « Et que ferez-vous pour votre enfant dans ce pays, Mary ?» lui demanda le docteur. La pauvre mère lui répondit par un torrent de larmes. « C'est ma nièce, » dit le médecin en prenant dans ses fortes mains la frêle créature. « C'est déjà l'être le plus cher que j'ai au monde. Je suis son oncle, Mary. Si vous consentez à suivre cet homme, je servirai de père et de mère à votre enfant. Voici une Bible, Mary. » Et en disant cela, il posait sa main sur le livre saint. « Laissez-la-moi. Je jure par la parole de Dieu qu'elle sera mon enfant. » La mère versa encore bien des larmes, mais finit par se résigner, et épouse du marchand, elle partit pour l'Amérique avant la sortie de prison de Roger Scatcherd. Le docteur avait aussi fait quelques conditions. La première était que Roger ignorerait le sort de l'enfant. Il voulait bien lui tenir lieu de père, mais il ne voulait pas que plus tard, certaines personnes puissent réclamer un droit de parenté. En supposant qu'elle fût élevée à l'hospice, personne n'eût réclamé la fille de personne. Mais si le docteur réussissait dans sa carrière, et si sa fille adoptive devait être l'ange de son foyer, si elle obtenait un jour l'affection d'un homme que le docteur serait fier d'appeler son neveu, fallait-il l'exposer à être réclamé par une parenté intéressée? Nul plus que le docteur Thorne ne se faisait gloire de son arbre généalogique, du sang pur qui coulait dans ses veines et des 130 générations qui prouvaient son extraction de Mac Adam. Personne ne pouvait démontrer plus clairement que lui l'avantage qu'ont ceux qui peuvent prouver qu'ils ont des aïeux sur ceux qui n'en ont pas, ou qui en ont dont il ne vaut pas la peine de parler. Notre docteur n'était pas parfait, tant s'en faut. Il y avait en lui un levain d'orgueil, d'entêtement, d'amour-propre, qui le portait à croire qu'il valait mieux que ceux qui l'entouraient. Et cela était dû à une cause inconnue dont lui-même se rendait à peine compte. Il était fier d'être pauvre et d'appartenir à une illustre famille, fier de mettre de côté cette même famille à laquelle il se faisait gloire d'appartenir, fier enfin de sa fierté silencieuse. Son père avait été un Thorne, sa mère une Therold. Il n'y avait pas de sang plus pur en Angleterre. Et c'était là un grand sujet de satisfaction pour cet homme si capable de dévouement. D'autres docteurs avaient dans les veines du sang mêlé, mais lui, il pouvait se vanter de la pureté du sien, auprès duquel celui de la puissante famille d'Avery n'était que de la boue. Voilà de quoi il était fier, lui qui surpassait tous les autres médecins en talent et en énergie. Il est vrai que nous parlons de sa jeunesse, mais même plus tard, son caractère bien qu'adouci resta toujours le même. Et c'était cet homme-là qui promettait de protéger comme sa fille une pauvre enfant abandonnée dont le père était mort et dont la mère appartenait à la famille des Scatcherd. Il était donc important de cacher l'origine de cet enfant à tout le monde. À vrai dire, elle ne pouvait intéresser que le frère de sa mère. On parla pendant quelque temps de la mère. On se répandit en éloges sur la générosité de son mari. Puis elle partit pour le pays lointain qu'elle devait habiter et son enfant resta ignoré de tous. Il était facile de faire croire à Scatcherd que l'enfant était mort. C'est ce que fit sa sœur lorsqu'elle prit congé de lui dans sa prison, non sans verser d'abondantes larmes. Puis elle partit pour la terre lointaine où le bonheur l'appelait, et le docteur emporta l'enfant dans le pays qu'ils devaient habiter tous deux. Là, il la plaça dans une maison sûre jusqu'au moment où elle fut assez grande pour venir s'installer chez lui, et personne, à l'exception du vieux M. Gresham, ne sut qui elle était ni d'où elle venait. Roger Scatcherd, ayant fait ses 6 mois de prison, fut enfin rendu à la liberté. Il était bien à plaindre, quoique ses mains fussent teintes de sang. Peu de temps avant la mort de Henry Thorne, il avait épousé une jeune fille de sa classe, y avait formé d'excellentes résolutions, se promettant de vivre comme il convient à un homme marié et de ne pas faire honte au beau-frère qu'il allait avoir. Mais toutes ces bonnes résolutions avaient été oubliées lorsqu'il apprit la faute de sa sœur. Pendant son séjour en prison, sa pauvre femme fut obligée de vivre comme elle put, en vendant peu à peu tous les meubles qu'ils avaient. Scatcherd se remit à l'ouvrage aussitôt qu'il fut sorti de prison. Mais ceux qui ont étudié de près la vie des ouvriers de cette classe savent combien il est difficile pour eux de regagner le terrain qu'ils ont perdu. La pauvre femme devint mère presque immédiatement après la libération de son mari et subit la pression de la dernière misère, car Roger avait oublié toutes ses bonnes résolutions. Le docteur demeurait alors à Greshamsbury. Il y était déjà installé lorsqu'il se chargea de l'enfant de Mary, et il ne tarda pas à se voir admis au manoir en qualité de médecin de la famille. Ceci se passait peu de temps après la naissance du jeune héritier. Le prédécesseur du docteur Thorne était allé se fixer dans une grande ville, et Lady Arabella s'était vue dans ce moment critique abandonnée aux mains d'une espèce d'étranger que l'on avait ramassé dans la prison de Barchester, ou tout au moins au tribunal, à ce qu'elle dit à Lady de Courcy. Il va sans dire que Lady Arabella ne nourrit pas son fils elle-même. Les personnes de son rang et de son caractère nourrissent rarement leurs enfants. La nature veut bien qu'elle soit mère, mais nourrice jamais. Au bout de 6 mois, le docteur s'aperçut que la nourrice de Frank, qui avait été envoyée tout exprès du château de Courcy à Greshamsbury, aimait un peu trop l'eau-de-vie. On le renvoya immédiatement au château et l'on pria le docteur Thorne d'en chercher une autre. Il pensa aussitôt à la femme de Roger. Elle était forte, active et pleine de santé. C'est ainsi qu'elle devint la nourrice de Frank Gresham. Un mot encore et notre chapitre d'il y a longtemps sera terminé. Déjà, avant la mort de son père, le docteur Thorne avait aimé une jeune personne. Il n'était pas ouvertement accepté, mais comme son père avait une belle position, que ses amis et cousins étaient les Thorne d'Eula Thorne, et que son nom était respecté à Barchester, la jeune fille, dont nous nous garderons bien de dire le nom, encourageait ouvertement son affection. Mais lorsque Henry se fut écarté du bon chemin et que le docteur eut rompu avec ses cousins après la triste fin de son frère, lorsqu'on découvrit que le médecin n'avait pour toute ressource que sa profession et pas même une localité fixe pour l'exercer, la famille de la jeune personne trouva que le parti n'était pas avantageux et elle n'eut ni assez de courage ni assez d'affection pour résister à sa famille. Elle dit au docteur Thorne qu'il serait prudent qu'il ne se vise plus. Le procès s'instruisait alors, et c'est au moment où le pauvre docteur avait le plus besoin de consolation qu'il se voyait ainsi congédié. Il s'éloigna, la douleur et l'indignation dans le cœur. Il ne revit jamais la jeune personne, et si je suis bien informé, ne renouvela jamais à une autre ses propositions matrimoniales.